Bon, le sujet de la soirée, les relations entre la peur et l'argent. Évidemment, le but de la soirée, c'est de ne pas vous rendre riche, nécessairement, mais c'est surtout vous expliquer pourquoi vous ne l'êtes pas assez. Ou comment vous pouvez l'être plus. Riche, évidemment. Vous allez me dire, bon, c'est pas juste l'argent dans la vie qui compte. C'est vrai que c'est pas l'argent qui compte, c'est le comptable qui compte. Bon, fait que si on parle de relation entre la peur et l'argent, on va commencer par expliquer l'argent parce que c'est pas vraiment la peur qui vous intéresse, c'est l'argent qui vous intéresse. Et l'argent, c'est une énergie d'échange. Je voulais remarquer qu'une pièce, c'est une valeur de papier qui a une confiance dans un réseau d'individus. Le réseau en question, il est appuyé par une organisation qu'en général on appelle un pays, et qui sous-tend un système bancaire pour gérer la masse monétaire qu'il présente, pour rendre la vie plus facile au monde, parce que s'il n'y avait pas d'argent, il faudrait qu'il y ait du troc. Puis du troc, un gars qui a une vache à échanger contre une bague à diamants, c'est embêtant. Il faut bien comprendre que la dynamique de la finance, c'est fondamentalement une dynamique d'ordre. Donc, ça ne veut pas dire que si on a du désordre dans la vie, qu'on n'a pas d'argent. Mais en général, le désordre a tendance à effriter la puissance de gestion et ça fait faire des erreurs aux gens dans la consommation parce qu'ils vont en général plus vers un corps de désir, un ensemble de comportements qui est axé sur le désir plus que sur le besoin. Qui, lui, le besoin est ordonné par l'esprit. Et le désir, c'est un ordre de l'âme, donc du monde astral. Conséquemment, si on dit que l'argent, c'est lié à un facteur d'échange, il faut bien comprendre que le mot « échange » sous-tend, occultement ou évidemment, la satisfaction de deux parties, avec un S. Donc, la peur, qui est un élément de restriction, a tendance à engendrer une impuissance dans l'échange. En d'autres termes, si vous avez peur dans la vie, de quelque raison que ce soit, vous avez peur d'une souris, ou vous avez peur de quelque chose qui peut apparaître pour quelqu'un d'autre banal, vous allez être jugé sur votre impuissance comme étant un individu qui n'est pas capable de faire face à une forme quelconque d'engagement, donc dans lequel la personne pourra pas s'investir dans un investissement, donc un montant d'argent ou un mouvement qui a une capacité financière d'échange, il ne pourra pas s'engager parce que vous allez être jugé négativement. L'impression qu'une personne crée avec les jeux d'impuissance sont très, très, très puissants, sont plus puissants que la capacité. En d'autres termes, je vous avance des chiffres, mais c'est totalement un calcul relatif, là. Il faudrait comme 3 unités de force de caractère pour neutraliser 10 unités, non, une unité de peur. C'est comme une peur, ça fait peur plus que de la capacité. Donc, si dans les médias, vous voyez, ou dans les films, vous voyez qu'il y a plus de peur que de capacité, c'est parce que la peur crée plus d'impression qu'une capacité ou un talent. Pour qu'on puisse mettre en relief un héros dans un film, il faut mettre en relief une capacité de vaincre beaucoup de peur. Regardez comment que le héros se débat dans le film pour vaincre la peur. Il faut qu'il travaille fort, vraiment très fort. Mais ce que vous allez aimer du film, c'est le jeu entre la peur puis la capacité d'eux. Donc, si la peur est une restriction, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, parce que les classes sociales, ou, si vous voulez, les gens qui sont capables de créer une opération de puissance, c'est des gens qui ont une capacité de produire du talent ou de générer des forces d'impact ou des impressions très, très puissantes qui vont restreindre ou diminuer les peurs et permettre conséquemment à une puissance dans l'échange afin, effectivement, d'augmenter le potentiel financier ou matériel. Bon, j'applique quoi là-dedans? J'applique que pour être capable de se mettre en échange, il faut avoir des ressources, Donc, il faut avoir une matière brute à mettre en échange. Tu sais, mettons qu'on viendrait au troc, là. Vous ne pouvez pas troquer de l'air, vous devez avoir quelque chose qui va se troquer avec un autre. Une vache contre un lapin. Tu sais, le gars veut du lapin, vous autres avez une vache. Lui, il a beaucoup de lapin, puis vous n'avez pas de lapin, puis vous avez beaucoup de vaches. Puis vous dites, bon, il y a plus de viande dans la vache, mais c'est du lapin que je veux manger à soir. Fait qu'il vous échange une vache contre un lapin ou trois lapins. Puis là, il y a un effet de satisfaction des deux parties. Est-ce que la satisfaction des deux parties repose sur la valeur des choses? Non. Elle repose sur la satisfaction des deux parties. Ça peut être satisfaisant à deux lapins pour une vache, puis pour une autre situation, ce qui va être satisfaisant, c'est 20 lapins pour une vache, dépendant de l'offre et de la demande. Si vous avez une peur de vous faire avoir, style, je ne sais pas quand même, pour donner 20 lapins pour une vache, puis vous, ça s'établit à 4 lapins pour une vache, la peur de vous faire avoir établit une restriction, puis ça peut créer l'impuissance de se mettre en échange. Excusez si c'est basic puis banal, mes exemples, là, mais c'est vraiment pour faire comprendre le principe. Donc, l'augmentation de la finance repose sur l'échange et sur la valeur que ça a pour le parti qui vous consomme. Parce que vous allez consommer aussi ce qu'il va vous donner. La beauté de l'argent, c'est que l'argent, c'est un papier ou une écriture comptable dans l'informatique qui est la représentation d'une reconnaissance d'une valeur qui se met en mouvement. En général, la personne qui vous consomme ou qui se donne une satisfaction sur ce que vous apportez, c'est parce qu'en général, elle est capable de tirer plus d'échanges dans son processus à elle que ce que vous apportez puis qu'est-ce qu'elle vous donne en échange. En d'autres termes, vous y emmenez deux unités, elle vous donne deux unités de d'autres choses, et puis avec vos deux unités, elle est capable d'en produire quatre. Puis vous, avec les deux unités qu'elle vous a données, vous êtes également capable d'en produire quatre. Donc, quand vous payez pour un voyage, en soi, c'est une perte, mais pour les gens qui consomment votre 5 000 de voyage, bien, eux autres, ils bénéficient d'une capacité de vivre puis d'une capacité d'amélioration, soit de l'hôtel ou des restaurants que vous allez. Puis vous bénéficiez d'une expérience que vous ne pouvez pas vous permettre au Québec, mettons, parce qu'il y a des plages blanches comme à Cuba, il n'y en a pas. Donc, ça satisfait les deux parties. Et ça permet de vivre à des gens qui sont pauvres là-bas, par rapport à nous autres. Là. Et puis, ça vous permet à vous de goûter une expérience qui est satisfaisante. Et si vous avez peur d'aller dans le sud à cause des bébites, si vous avez peur des plages parce que vous dites qu'il y a peut-être des méduses sur le bord de la chose, si vous avez peur des Cubains parce que c'est des bons boxeurs, bien là, vous n'irez pas à Cuba. Vous allez rester à Old Orchard ou vous allez aller en Gaspésie. Au rocher presque percé, presque disparu dans son trou. Et puis, évidemment, ça, cette dynamique-là de peur, quand ça s'étend à un type d'événement, exemple la peur de voyager, ça va s'étendre à d'autres registres également dans votre vie. Tu sais, vous ne pouvez pas, sauter en parachute 10 fois par jour, puis avoir peur d'aller à Hong Kong, mettons. Ça ne va pas ensemble, ça, là. En général, le gars capable de sauter en parachute... Il n'a pas peur des avions, donc il n'a pas peur d'aller à Hong Kong. Mais il peut avoir peur de ne pas parler le cantonais, le chinois cantonais. Là, s'il a peur des langues, il n'a pas peur de prendre l'avion, mais il a peur de sortir de l'aéroport qui parle juste en anglais. Comprenez-vous? Fait que vous accumulez des peurs, puis vous avez à peu près dans l'accumulation de toutes vos peurs, tous les jeux de restrictions qui vont vous mettre en situation d'impuissance pour générer... On va dire qu'avec l'argent, c'est des zones de satisfaction pour remplir deux parties, la vôtre et celle d'un autre. Bon. Qu'est-ce qui fait bouger la finance? C'est les projets. IBM a déclaré des résultats mitigés jeudi. Ces résultats qui sont considérés par les analystes comme... un potentiel de rendement de seulement 10 à 12% pour l'année prochaine. On ne parle pas de ce qui est là, on parle de l'année prochaine. Normalement, IBM, Apple, ces affaires-là, donnent du 18, 20, 22% de rendement. Mais là, parce que ça baisse à 10 %, le marché a baissé d'au moins 400-500 points. Juste parce qu'une compagnie qui est un château fort du marché américain a donné des perspectives. On parle d'un avenir non vérifié. Des perspectives de baisse. GM, la même chose. Puis en général, les technos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la finance, le monde de la finance internationale, repose sur un futur de gens qui organisent ce futur-là. Donc, ça veut dire que si vous voulez être en échange avec des grosses structures, il vous faut beaucoup d'ordre, beaucoup d'organisation, une énorme réputation et une capacité de soutenir l'échange très longtemps. À IBM, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Ça fait au-dessus de 50 ans passés. Je me demande même si c'est pas 75 et plus. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'IBM, c'est structuré, c'est énorme, c'est mondial, c'est reconnu comme une entreprise stable et fiable. Fait que quand elle pogne une grippe, ben le monde éternue. Puis c'est ce qui est arrivé cette semaine. Quand on dit que le OX, pour ceux qui connaissent ça, ça a baissé de 20$ en 3 jours, là. C'est violent. Donc, il y a eu de la peur sur quelque chose de non vérifiable. Parce qu'on ne peut pas vérifier dans un an qu'est-ce qu'IBM va être. IBM a simplement présenté, pour respecter son intégrité, a respecté que ses anticipations dans l'intérieur de la compagnie ne pourraient peut-être pas répondre au futur. Le simple doute a engendré une peur qui a créé une restriction, qui a créé une impuissance à délivrer du 20 % de rendement. Quand même 10, c'est pas si pire. Puis, ça a fait planter le marché. Tu as dit, wow, bien ça, c'est des lois de marché. Même chose. Si vous parlez toujours en vous plaignant, ah, je ne sais pas si je vais être capable, maudit que c'est dur la vie, ça donne une impression que vous ne donnerez pas des gros rendements. C'est dur de se trouver un job. C'est même plus dur de s'en créer une. Parce que vous n'avez tellement pas confiance dans vos capacités que vous ne pouvez même pas vous vendre un projet pour que dans 3 semaines, ça vous donne la capacité de payer votre loyer. Violent, là. C'est les mêmes règles du jeu qu'IBM et autres compagnies. Ça veut donc dire que votre façon de parler, votre façon de vous présenter, établit à peu près comment votre finance va se vivre. Mais vous pouvez être des Indiana Jones de la vie et vivre à l'aventure de « Ah, Dieu me protège ». Ah, les forces me protègent. Ah, je pense que je mange mon pain noir, puis mon pain blanc s'en vient. Peut-être que tu as mangé ton pain blanc dans une autre vie, là, tu sais, puis que c'est ton pain noir dans cette vie-ci. Mais il faut toujours contenir le fait et convenir aussi avec le fait que l'argent, c'est une puissance d'échange, puis que si vous n'êtes pas capable de satisfaire un deuxième parti autre que vous, évidemment, c'est que vous êtes dans la merde. Donc, vous avez un problème d'argent, vous avez automatiquement un problème d'échange. Vous voulez faire plus d'argent? Augmentez votre valeur d'échange. Pas ce que vous voulez faire, ce que le monde achète. Bon, l'objectif dans la vie, c'est-tu de se frustrer pour se rester en vie? Des fois, oui. Parce que tout le monde a besoin dans la vie de convenir avec tout le monde. Puis tout le monde est intéressé à avoir du cash. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour avoir des moyens sur votre carte de débit ou de crédit ou du papier, peu importe, tous les moyens qui sont possibles de vous permettre d'arriver à ça, c'est les moyens qu'il faut être capable de prendre pour éventuellement arriver à avoir un échange avec le plus de parties possibles. Quand vous avez satisfait votre base, dans le sens que vous pouvez résoudre à peu près tous les problèmes d'échange qui vont satisfaire l'ensemble des besoins de la planète, là, vous pouvez commencer à avoir des concepts créatifs. Des concepts. Une peur vaincue, c'est une dépolarisation. Quand on a peur de quelque chose, c'est parce qu'on a une polarité dans le mental. On est excessivement positif par rapport à quelque chose ou on est extrêmement négatif par rapport à quelque chose. Pour pouvoir se dépolariser, il faut augmenter son échange d'une façon structurée. En d'autres termes, Une peur vaincue, c'est un échange qu'on est capable de structurer, organiser, pour éliminer la crainte de se faire prendre en défaut. Un gars qui embarque sur une moto, puis qui s'équipe en cuir, puis avec des coudes, puis des épaulettes, puis des choses, ses hanches, le dos, le kit, qui se met, je ne sais pas, au moins 2000 pièces d'équipement, au cas où il tombe, il peut passer 10 ans de sa vie sans tomber une fois, puis il va mettre son équipement tous les jours. Parce qu'il se dit, si jamais je tombe, je vais être capable de me relever de ma chute. Quand les gens font de la gestion de portefeuille, les grosses fiducies, là, les compagnies là, qui sont, c'est, qui ont des milliards à gérer, ils ont toujours des budgets, des pourcentages de leur portefeuille qui sont dans des obligations d'épargne. Le mot « obligation » établit bien que c'est une obligation de payer un certain pourcentage. Parce qu'il y a obligation, il y a diminution de la peur, puis il y a un moins grand niveau de restriction de la part du client à mettre entre les mains de ces gens-là des millions et des milliards de dollars. Conséquemment, le pourcentage n'est pas élevé, mais il n'y a pas de peur à y avoir. Ils vont avoir du 3, 4 %, mais ils n'ont pas de risque. Tu augmentes le risque à du 100 %, à du 40 %, à du 1000, 2000, 3000 %. Puis plus il y a de risque, plus il y a de risque de tomber. Puis plus il y a de risque de tomber, bien plus la personne qui prend le risque s'expose à ce que ça tombe effectivement. Donc, il faut qu'il soit capable d'encaisser le choc qui, en temps normal, fait peur. Et lui doit dépasser cette fameuse peur-là. Il n'y a pas de peur à 4 % parce que c'est placé dans des obligations. Vous rentrez dans des actions, vous allez selon les mouvements de la politique, les mouvements des politiques d'entreprise et de politiques gouvernementales des pays. Vous allez avec les fluctuations mondiales des flots monétaires. Puis vous allez aussi avec tous les mouvements de changement de psychologie de la planète qui sont relativement lents quand même. Par contre, si vous commencez à jouer, passer d'investisseur à spéculateur, puis que vous commencez à jouer votre argent ou à placer votre argent dans des secteurs à rendement de style 100 % par semaine, ou des fois même par jour, bien là, à ce moment-là, les risques de choc sont plus grands. Et ça demande un système nerveux, une capacité décisionnelle très structurée pour prendre des décisions qui sont, je dirais, quasiment obligatoirement faites sans penser, parce que tu es obligé d'être un parfait exécutant d'une structure déjà prépensée. Parce que tu ne peux pas soutenir des charges décisionnelles à répétition, le style 10-15 par jour, sans avoir une tension épouvantable sur le système nerveux. Donc, il faut avoir une structure extrêmement structurée et être un parfait exécutant dans cette mécanique-là. Sinon, va-t'en dans une décision par 5 ans, genre les obligations, puis casse-tu pas la tête. Comprenez-vous ce que je veux dire? La peur, c'est une rythmique. C'est-à-dire que c'est engendré par une rythmique que l'individu est incapable de supporter à un certain moment donné. Vaincre une peur, c'est très long et c'est très difficile. Et ça demande, en quelque part, d'avoir une capacité de voir une structure qui nous permet de dépasser la peur. Et si votre mémoire, votre perception passée, votre culture passée, vos conditionnements passés, sont plus forts que la nouvelle structure qui vous permettrait de dépasser la peur, bien là, à ce moment-là, vous ne dépassez jamais cette peur-là. Vous allez rester dedans. En restant dans cette peur-là, vous allez avoir une impuissance quelconque dans un échange quelconque et vous ne serez pas capable de générer de finances dans ce secteur-là. Ça va-tu? Bon. Il y a des gens qui font du commerce international. Ils traitent avec des mentalités différentes de la nôtre. T'sais, vous parlez avec un Chinois qui parle chinois puis un petit peu d'anglais, puis vous êtes Français qui parle un petit peu d'anglais, puis vous trouvez une façon de se comprendre. La seule chose que les deux parties comprennent, c'est le profit. Le Chinois, il a le profit de vous vendre quelque chose, puis vous, vous avez le profit de vendre ce que le Chinois vous a vendu. C'est le seul point de contact que vous avez. Il y a une seule faille dans le ton de voix du Chinois, que vous n'aimez pas son attitude de Chinois, pour quelque raison que ce soit. Ils fêtent longtemps, eux autres. Hein? Quand ils sont en fête, ils fêtent une semaine, deux semaines. Les bureaux sont fermés pendant deux semaines. Tu n'aimes pas le fait qu'ils fêtent, et ça crée une peur de ne pas te faire livrer ta marchandise, parce qu'il y a un retard de deux semaines sur la commande. Il y a une restriction qui s'installe, puis tu viens de flusher à la Chine pour pouvoir faire tes échanges commerciaux. Donc, la peur s'est installée, la coupure est faite. Il n'y a pas de profit pour le Chinois, puis il n'y a pas de profit pour le petit Québécois. Facile à comprendre. Bon. Si une peur vaincue, ça demande un échange structuré. Ça veut dire que la peur se niche où? Dans le désordre. Vous avez du désordre? Partout où il y a du désordre dans votre vie, il y a de la peur qui s'installe. C'est subliminal, c'est sournois, mais c'est présent. Désordre égale déséquilibre dans l'échange, incapacité d'installer de la permanence, isolement éventuel et abandon de tout ce que vous êtes, même en tant qu'identité, parce que les gens ne vous font plus confiance. Violent, là. Ça veut dire que tout être humain qui est exposé à un désordre est incapable de vaincre ses peurs parce qu'il n'est pas capable de se structurer. Une personne reçoit un héritage de 2 millions et puis elle ne se donne pas de structure face à la ressource. Tu sais, on dit ici, l'argent, c'est une puissance d'échange que l'on doit contenir avec une organisation. Bon, il faut une organisation pour en faire. Donc, une grosse structure si vous voulez faire beaucoup d'argent. Puis, une petite structure si vous voulez juste vivre avec vos besoins. Exemple, les artistes peuvent vivre juste avec le minimum. Ils mangent beaucoup de raisins secs et de choses qui ne coûtent pas cher. Par contre, ils vivent avec des ressources minimum, mais ils n'ont pas besoin de produire au maximum. Par contre, si tu veux avoir beaucoup de ressources, il faut que tu aies une grosse structure qui supporte ta mobilité puis ta procédure décisionnelle. Et puis ça demande d'avoir une organisation qui est aussi puissante qu'elle peut se présenter, exemple, dans des médias ou par une zone de crédibilité quelconque qui favorise un développement quasi miraculeux quand tu touches à cette structure-là. De là, la réussite de tous les produits de beauté et ces bébelles-là, parce que ça promet monde et merveille. Si vous êtes belle, vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Puis, si vous êtes laide, vous ne rencontrerez pas personne. C'est genre, ils vous font des contrastes, ils vous font peur, puis en même temps, ils vous emmènent le miracle. Bon, si c'est dans une grosse organisation qui fait beaucoup de battage publicitaire, qui investit des fortunes avec Groupe Action dans la télévision, ces choses-là, bien, vous risquez d'être dans de la grosse argent. Par contre, si vous avez du désordre là-dedans, comme il s'en est créé dans cette bubble-là, bien, tout s'effondre comme un château de cartes. La vie, c'est une grosse impression, c'est une grosse game, puis plus vite on comprend la game, plus vite on règle le problème de la peur, puis on élimine les fameuses restrictions. Mais il faut vraiment comprendre la game, puis il faut être capable de faire face à l'impression. Les gens qui ont des problèmes de peur ont généralement des problèmes de système de valeur puis des problèmes d'impression. La polarité est proportionnelle au système de valeur. Ça veut dire que vous êtes aussi négatif que vous avez des préjugés par rapport à un système de pensée. Puis que vous soyez excessivement positif, mais extrêmement, fixe dans votre positivisme, bien, ça va engendrer des peurs chez les autres. Moi, j'aurais beau débattre avec vigueur mon système de pensée, que c'est pas moi qui pense, exemple, mais si je pousse trop dans un public qui a peur, je vais y faire encore plus peur avec mon excès de positivisme. OK? Ça veut dire qu'il faut que je goûte un petit peu à la peur des gens. Puis, un peu, tu sais, une ventouse, là. Une ventouse, ça a une capacité de traction, mais ça a une capacité d'échapper si tu tires trop vite ou si tu fais un mouvement brusque. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien, vous pluguez une ventouse ou quelque chose, puis vous la levez lentement, sans jamais te donner de choc, sans jamais bouger, puis la patente, elle va lever. Mais un petit choc, pouf, la ventouse, il y a une bulle d'air qui rentre dedans, puis tout s'écrase. Bon, bien, de l'impression, c'est une ventouse. Ça n'a pas plus de puissance ou de racine qu'une ventouse. Si votre impression, vous la créez, puis que dans cette impression-là, les gens, ça les rassure, bien, tout ce que vous rassurez, ça va lui permettre de sentir que vous avez de la structure. Ça s'entend souvent dans la façon de parler des gens. Les gens, ils parlent, puis tu dis, « Ah, il est-tu organisé, lui? Il est-tu cultivé? Il a-tu de l'information? » Avec ce qu'il sait, là, ça ne peut pas faire autrement que d'être bien arrangé. T'sais. Puis là, les gens disent, on y va là-dedans. Puis les gens qui vendent bien, c'est des gens qui présentent une belle structure. Puis qui sont souvent appuyé par une grosse structure qui dit, ben lui, là, on l'endosse. T'sais, IBM endosse un vendeur. Lui, il peut vendre nos ordinateurs, il est fiable. T'sais. Ou tu vends des produits de santé, je pense à ceux qui vendent du Herbalife, puis Melaleuca, ces choses-là. Ils ont une grosse structure derrière eux autres, internationale, puis ça les accote. T'sais. Juste le fait que c'est international, déjà, c'est comme, on n'est pas des ticus, nous autres, on avance. T'sais. Fait que ça permet de vaincre des craintes. Ça ne veut pas dire que la personne qui consomme a le résultat qui est promis, mais ça satisfait les deux parties. Pas important, en vérité. Là. Bon, peur vaincue, dépolarisation. Tout le problème de la vie des gens, c'est dans ça. C'est dans la fameuse dépolarisation. Ça ici, là, vous travaillez sur ça dans votre vie, l'affaire du positif-négatif, puis vous ne pouvez pas faire autrement que d'éliminer des restrictions, augmenter votre puissance d'échange, puis éventuellement, matériellement, remplir vos besoins. J'applique ce point-là parce que le désir, c'est une peur. Faire de l'argent pour vivre ses désirs, c'est enrichir une peur. Un désir, c'est une peur de ne pas avoir quelque chose. Vous vivez sur votre corps de désir, vous vous mettez dans la merde. Que vous investissiez 1 million dans du désir, vous allez vous mettre dans la merde. Je veux bien me faire comprendre. S'acheter un Mercedes, ça peut être pour quelqu'un un besoin, puis ça peut être pour une autre un désir. Qu'est-ce que je veux faire comprendre là-dedans? C'est qu'il y a une personne dans le Mercedes qui a de besoin pour son travail parce que c'est essentiel pour une représentativité. Pour une autre, c'est une peur de passer pour une petite personne. Ça se comprend-tu? Bon. Une femme qui se maquille 3 pouces d'épais dans le visage, que quand elle enlève ça, c'est une autre femme, il y a un problème d'identité, un grave à part de ça. Premièrement, ça coûte extrêmement cher. Elle devient excessivement esclave des marques de produits et non pas de l'efficacité du produit. Et puis, c'est une personne qui cache quelque chose, un déséquilibre quelconque. Vous dites, ouais, mais naturel, les hommes ne nous regardent pas. C'est l'homme qui a un problème, c'est pas vous autres. Oubliez-les pas, celle-là. Fait que vous vous assujettissez encore à la domination de l'homme. Conséquemment, vous vous placez dans une zone où il y a un maquillage de besoin, puis vous remarquerez que les gens, les hommes, n'ont jamais besoin de se maquiller. Excepté que les gars qui ont été fessés fort par les femmes, ils commencent à regarder pour une petite crème puis un petit mascara. Puis s'ils sont frappés malgré ça, c'est là où ils regardent les femmes, ils regardent les hommes dans les bars. Parce qu'ils ont peur, tu sais, façon de parler. Fait que ça veut dire que l'individu qui a peur peut, à cause de cette peur-là, développer un désir d'être d'autre chose, qui va commencer par apparaître sérieusement dans sa consommation. Puis c'est pas l'argent qui va résoudre son problème. Il peut travailler très, très, très fort pour se mettre très vivement dans le trouble, en vivant. Une personne qui est bien dans sa peau et qui est capable de satisfaire les deux parties, c'est une personne qui connaît son besoin. En connaissant son besoin, elle ne payera jamais plus que ce que son besoin lui indique de payer. OK? Elle ne payera pas, une femme, exemple, ne payera pas une robe de 10 000 quand elle sait qu'avec une robe de 200 c'est suffisant. Elle va savoir c'est quoi l'objectif de la robe. Puis, plus, vous remarquerez, exemple, que toutes les personnes qui s'individualisent beaucoup font de moins en moins d'efforts à remplir le corps de désir des autres. Par contre, ils vont mettre tout ce qu'il faut ou tout ce qu'ils ont besoin, ils vont le mettre en relief pour se satisfaire, puis composer le plus intelligemment possible avec les besoins de l'autre. Je vous donne un exemple. Une femme, on enlève ça sur le tape. Il y a une différence entre une femme qui se fait refaire les seins pour faire du cinéma, parce que c'est son travail, puis une femme qui se refait faire les seins pour ne pas perdre son mari. Mettons que les deux opérations sont réussies, OK? C'est que Celle qui travaille au cinéma, c'est justifié parce que ça coûte, je sais pas, 4-5 000 piastres du sein, puis elle va en faire, je sais pas, 100 000. Fait que si on regarde le trade, là, c'est un bon investissement. L'autre qui a peur de perdre son mari, elle se refait faire les seins, puis là, le mari a peur de perdre sa femme. Ça ne règle pas le problème du couple, parce que les deux vivent la peur de perdre l'autre. Si la femme s'est refait faire les seins, elle check toujours son mari pour voir si là, ça l'a réallumé. Puis le gars, s'il n'est plus réallumé, il voit que sa femme est mauditement plus attirante pour les autres, puis là, il sent compétition. Compétition pour un gars, c'est toujours bon tant que c'est lui qui gagne. Mais si la compétition commence à être sérieuse, dans le sens qu'il y a vraiment des amants qui sont solides, là, tu sais, qui s'approchent, là, puis qui n'ont pas peur du mari, puis que ça ne les dérange pas, l'institution du mariage, là, à ce moment-là, c'est que la femme n'a pas joué le bon jeu pour rétablir le couple. Elle aurait dû forcer un peu plus sa communication. T'sais. Ça, c'est un exemple qui fait qu'avec des ressources, vous pouvez, je dirais, rater l'échange, rater l'expérience de satisfaire les deux parties parce que vous y allez sur le corps de désir. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas ce qu'on fait avec l'argent, mais c'est comment c'est pensé en le faisant qui est toute là la game. Fait que si vous le faites dans un esprit de désir, la finance va vous mettre à terre. Tandis que si vous le faites dans un état de besoin, bien là, ça va augmenter votre puissance d'échange. Des fois, les gens disent, on a fait le même cours à l'université, on a les mêmes moyens, bien, on réussit pas pareil. Lui, il fait la même chose que moi, puis il fait plus d'argent que moi, ou il vit mieux que moi, ou... Fait qu'il y a une dynamique dans l'esprit d'un individu qui installe une vibration. Puis c'est cette vibration-là qui installe la conséquence. Fait que l'évolution de l'échange, c'est pas une évolution en termes de satisfaction de désir, c'est une évolution à travers une vibration. Le désir, c'est insatiable. Si vous avez éventuellement une peur, vous avez en même temps un avertissement. Une peur, ça vous avertit d'un manquement, et ça vous avertit également d'un excès. Vous avez une restriction qui peut être occasionnée avant la restriction par un excès. Vous êtes dans un excès, exemple, je fais trop de vitesse, je perds la boule, je ne suis plus sensible à la peur, là, ça peut frapper. Parce que je perds mon ordre, ma structure, là, où est-ce qu'elle est, là, ici. Je perds ma contenance de l'organisation. Il faut toujours que mon mental soit organisé dans de la vitesse. Quand vous êtes dans un mouvement qui vous fait rentrer dans une sorte d'appât ou d'appétit, vous faites exemple de l'argent, vous êtes dans le stock market, vous faites 1000 piastres par semaine, puis la semaine d'après, vous voulez faire 2000, puis après ça, c'est 2000 par jour, puis 2000 à l'heure, puis ça finit que là, il n'y a plus de fond. Là, vous êtes dans un élément où vous ne pouvez plus reconnaître la peur, qui est une forme d'avertissement d'un excès. Vous êtes dans un excès, vous devriez avoir peur, puis vous n'êtes plus capable d'aller. Vous allez vous désorganiser, il y a une perte d'organisation dans votre mental, puis là, vous n'êtes plus capable de satisfaire les deux parties. Il y a un parti qui va bouffer l'autre. Dans le cas du marché, bien, c'est le marché, mais dans le cas d'un trade entre deux personnes, c'est celui qui est le moins peureux, donc qui est le plus organisé, qui va bouffer celui qui se désorganise. Ça se suit jusque-là? Ça ne fait pas peur à personne? C'est bien. Une personne dépolarisée ou consciente de la polarisation dans sa vie, elle a une chance de voir comment augmenter son échange par une meilleure structure. Parce que, elle va dire, à cause de la polarité, je manque toujours tel type d'engagement. Je ne peux pas m'engager dans tel type d'environnement, je ne peux pas m'engager dans tel type d'action, parce qu'à cause de la polarisation, j'ai toujours besoin que l'autre me garantisse quelque chose. La personne à qui on garantit quelque chose, c'est l'enfant dans la relation. Celui qui garantit à l'autre, c'est celui qui est le parent dans la relation. C'est le parent qui décide pour l'enfant. C'est pas l'enfant qui décide pour le parent. Quand vous voyez un petit gars au McDonald's qui dit « Maman, c'est un McDonald's, c'est ça, je vais acheter. » Puis s'il y a des cadeaux en plus, c'est ça, faut que tu achètes pour le cadeau. Si l'enfant gagne tout le temps, c'est lui le parent. Puis c'est le parent qui est l'enfant. parce que le parent est désorganisé, puis l'enfant, lui, il est organisé, puis il organise l'autre. OK? Fait que pensez pas que c'est une affaire de rôle à cause que vous avez 30 ans, puis qu'il y en a l'autre qui a juste 6 ans, qui établit qu'est-ce que c'est l'organisation. L'organisation, c'est celui qui prend la décision. Si deux décident, il y a satisfaction des deux parties. S'il y en a un des deux parties qui décide pour l'autre, là, à ce moment-là, on ne parle plus ici d'un trade. On parle de quelqu'un qui absorbe l'autre dans son organisation. C'est lui qui va faire de l'argent. Me suivez-vous jusque-là? Quand vous êtes polarisé, quand vous êtes polarisé, vous allez inévitablement être victime d'une structure. Si vous êtes dépolarisé, vous augmentez votre échange dans des comportements qui sont organisés, structurés. Donc, on va dire la personne a sait ce qu'elle veut. Personne qui est super structurée peut s'engager dans un combat avec des grosses compagnies d'assurance qui sont également extrêmement bien structurées, puis elle peut gagner son point. Il y a beaucoup de structures qui bouffent des gens pas structurés, qui donc, éventuellement, on peut dire qu'ils vont aller jusqu'à la domination pour magouiller puis siphonner au maximum les gens qui n'ont pas de structure, donc qui n'ont pas défini leurs besoins, mais qui vivent sur le corps de désir. Il y a énormément de structures qui vont établir des profits sur le désir des gens et sur la peur des gens. La mafia, c'est un exemple. Et à cause de ça, ils vont faire des profits monumentaux. La mafia qui joue sur la peur, avant de tirer un gars qui doit une dette de, je sais pas, 50 000 piastres, 100 000 piastres, ils vont l'intimider, puis ils vont essayer de le faire travailler pour l'organisation. Puis si la personne ne veut pas, c'est là qu'elle se fait casser en morceaux. Mais ils vont tout faire avant pour la récupérer dans la structure. En d'autres termes, enrichir la structure. Puis donner une direction que la personne a perdue. Mais vous remarquerez que les gens qui ont de la direction dans la vie, qui ont des objectifs de vie, et puis qui gèrent bien leur peur, dans le sens qu'ils font attention pour ne pas se laisser désorganiser par la peur, donc ils se protègent, c'est des gens qui ne sont pas achalés par ces milieux-là. Puis quand vous commencez à voir vos maisons se faire voler, que vous avez des accidents d'auto, vous avez des tickets, c'est parce que vous commencez à perdre du « ground ». De la stabilité, là. Bon, fait que c'est sûr qu'une personne qui se connaît, elle vit plus selon ses besoins que sur le corps de désir, où en général, on vit au-dessus de nos besoins. OK? Puis savoir qu'un désir, c'est un besoin, parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, on peut-tu avoir un désir, puis c'est un besoin? Oui. Vous pouvez avoir un désir qui est un besoin d'avoir une initiation pour revenir à vos besoins. Il y a beaucoup de désirs qui sont des bonnes expériences pour l'ego. T'sais, on évolue dans n'importe quoi. Hein? Le double, il va nous récupérer comme il peut, puis comme il veut. Mais avant qu'il veuille, il peut nous laisser pouvoir longtemps faire des conneries. On peut avoir de l'ego en pensant qu'on pense qu'on a raison, mais la pensée qu'on a raison, ça nous met dans le champ au point qu'éventuellement l'esprit va dire, « Bon, ben là, t'es un bang! » Fait que la dépolarisation pour un être humain, ça passe par des expériences douloureuses. Quand vous connaissez la conséquence de votre expérience, c'est déjà un signe que vous êtes habité par de l'esprit pour vous récupérer en quelque part. C'est comme si une expérience d'âme où vous vivez de la polarisation, sur laquelle vous ne pouvez pas voir la conséquence de votre désir, vous êtes plus exposé à des conséquences extrêmement fatales. De l'esprit, ça donne de la structure. L'esprit, ça donne de la structure. Fait que simplement d'être conscient des conséquences de votre désir, c'est déjà une protection. Vous pouvez vivre une expérience pendant 3 ans, 4 ans pour vivre vos désirs. Puis c'est pas grave si vous avez de l'esprit qui vous enveloppe. Mais si vous avez une tête de cochon au point de rire du monde ou de l'environnement qui est capable de vous contenir, ça risque d'être fatal. Puis quand je vous dis fatal, là, ça veut dire qu'il va vous falloir une autre vie pour pouvoir réparer ça. Bon, là, vous allez dire, je vous fais peur. Non, je vous avertis. Il y a beaucoup de peurs dans la vie qui sont présentées comme des avertissements. Ça va vous dire, si tu fais ça, tu ne seras pas capable. Puis, si tu fais ça, tu ne seras pas capable, ce n'est pas une invitation au défi de montrer que vous êtes capable. C'est vraiment pour vous dire que vous n'êtes pas capable. Il arrive un stage dans certaines expériences de vie que c'est plus pour vous autres d'aller plus loin. Il faut que ça soit un autre qui aille plus loin. Des fois, c'est vos enfants qui vont aller plus loin. Des fois, c'est des amis qui vont aller plus loin. Vous autres, vous êtes plus capables d'aller plus loin. Puis d'être capable d'avoir une petite peur indicative comme quoi vous pouvez plus aller plus loin, puis que votre impuissance à vous mettre en échange avec l'événement ou les personnes, c'est ça. C'est parce que c'est ça. Il n'y a pas de mal à vivre de l'impuissance. Ça, c'est important. Il n'y a pas de mal à vivre de l'impuissance. L'impuissance, ça peut être une limite temporaire, ça peut être une limite permanente, mais ça peut être aussi un élément de protection. Quand est-ce que vous savez que c'est une limite temporaire? Vous savez que si face à une peur, vous avez peur parce que vous êtes mal organisé, c'est temporaire, parce que vous voulez vous organiser. Il y a des zones encore là qui peuvent être extrêmement dangereuses. Je pense à des gars qui font de l'alpinisme, qui prennent des risques, mais tu as toujours ta limite à un moment donné. Un gars peut faire tant, puis un autre peut faire plus, puis chaque individu va aller plus loin selon comment il est organisé dans sa peur. Moi, je veux juste mettre en relief le fait qu'une peur, ça peut être intelligent, c'est une restriction qui peut être intelligente, puis que ça peut limiter votre capacité d'échange, puis votre capacité à faire de l'argent. Mais ça reste toujours, ça repose toujours sur une organisation. Fait que si votre organisation, la façon que vous êtes organisé, ça vous satisfait, parfait. Mais si votre organisation ne vous satisfait plus, ça veut dire qu'il faut que vous regardiez d'une autre façon, changer votre système de valeurs pour avoir une nouvelle organisation. Votre façon de penser, c'est pas qu'elle est désorganisée, mais c'est qu'elle n'est pas organisée. Si tu es protégé par un trade qui ne se fait pas, parce que l'autre est désorganisé, il faut toujours que tu comprennes que le désordre, peu importe le parti qui vient, il brise la syntonie, la synchronicité entre les deux mises en vibration. Parce qu'un échange, c'est deux vibrations qui se rencontrent, puis c'est une trade dans le matériel, c'est un échange dans le matériel qui se fait pour permettre aux deux parties de trouver satisfaction. Mais ça, c'est déjà préprogrammé. Il y a déjà dans les énergies de l'échange une mise en vibration qui, évidemment, dans votre cas, c'est axé sur le profit, mais qui doit quand même être supportée par une organisation des deux parties. S'il y a une partie qui est manquante parce qu'elle cache quelque chose, c'est su, ça, ces plans. Ils vont retarder. Moi, m'a dit, j'ai un principe bien simple quand je fais un trade avec quelqu'un. Si ça prend trop de temps, je sais que m'en a des gros problèmes. Le temps va te démontrer la désorganisation. Quand c'est bien organisé, ça marche tout de suite. Quand c'est désorganisé, c'est long. Tout ce qui est long est généralement désorganisé. Parce que ça prend beaucoup de temps à s'organiser. Puis quand le temps est mis dans une organisation, ça se passe vite. Parce que c'est bien organisé. Mais si c'est désorganisé, ça prend beaucoup de temps pour refaire une organisation pour que ça marche. Fait que le temps que ça prend dans une business, comme toute ton histoire, là, ça traînait, ça allait avorter. Parce qu'il y avait trop de temps. Mais en même temps qu'il y a trop de temps et c'est désorganisé, tu es protégé parce que si ça avait été fait dans le désordre, ça aurait créé ça fait comme des projets de PAC, puis de ci, puis de ça, qui s'est évalué à 100 millions, puis ça coûte 600 millions quand ça finit. Là. Ça, c'est à cause du désordre, ça. Ils te promettent une route qui va. Le métro de Laval, là, qui est supposé coûter je ne sais pas trop combien, là. Puis que là, ça finit, ça coûte 10 fois plus que ce qui a été présenté. Ça, c'est du désordre. Il y a du désordre là-dedans. Il y a de la politicaillerie, il y a de la magouille politique, puis tout ça, le bébé. C'est comme ça que tu vois qu'une trade ne se fera pas legit, comme on dit, balancée. C'est qu'il y a du temps. Parce que vous mettez beaucoup de temps à vous pratiquer à faire, exemple, du patinage de vitesse. Ça vous a pris 6 ans, on vous met sur une traque, vous savez où vous en allez. Mais tu prends quelqu'un dans la rue, on lui met des patins, puis on dit, tiens, vas-y, on te met aux Olympiques, entre nous deux. Là. Il y a un désordre, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'études, ça ne marche pas. La bourse. Tu mets quelqu'un dans la spéculation, là. Les obligations, c'est pas dur de montrer ça à quelqu'un. Tu dis, bon, viens te montrer à faire des obligations quand tu fais du placement. Tu achètes ça, tu regardes 5 ans plus tard qu'est-ce qui t'a donné comme rendement. Ce n'est pas un cours difficile à prendre. Tu sais. Mais c'est structuré d'avance pour te donner un rendement garanti. Tu rentres ça dans de l'investissement action. Là, ça demande un petit peu plus d'attention. Tu mets ça dans la spéculation. Ça, ça te demande des grosses études. Pas juste de la méthode puis de la technique, de toi aussi. Parce que le système, là, au niveau décisionnel, c'est ça qui est toute la game. Toute la psychologie de l'appât du gain, là, tout se joue dans le processus décisionnel. Ça, à ce moment-là, ça, c'est tough. Parce que là, je sais aujourd'hui que quand tu fais de la spéculation, ce qui te permet de faire de l'argent, c'est pas ta technique, c'est l'individu dans sa programmation. Ça, ça prend beaucoup de temps, se faire user l'appât du gain, puis pop, pop, pop, pop. Tout un job. Une personne bien organisée, elle répond rapidement. Les grandes révélations occultes. Votre valeur, elle est égale à votre karma. Votre karma, il est égal à vos peurs. Puis votre mort, elle est égale à la fin de vos peurs. Donc, on vient sur la planète pour avoir peur. Ça prend une vie pour réussir à se délivrer de certaines peurs, parce que le karma, ce n'est pas toutes les peurs de la planète que vous avez à traverser. Il y a certaines peurs. Moi, je peux avoir vécu l'équivalent de 20 vies de différentes personnes. Une personne vivrait 6 mois de ma vie, puis elle pourrait mourir après avoir vaincu ça. Mais elle a besoin, elle, de toute une vie pour vaincre 6 mois de ma vie. Mais ce n'est pas comme ça que ça se mesure. Ça se mesure sur le fait que tu vis au monde avec un karma que vous pouvez lire. Je vous donne tout de suite, c'est la prochaine conférence, je ne suis pas sûr. Que vous pouvez lire dans le karma familial, dans les peurs de vos parents. Les peurs de vos parents, ou ce que vos parents ne sont pas capables de régler, c'est ce que vous êtes obligé de régler dans votre vie. Bon, si le karma égale vos peurs, au pluriel, pour passer à travers votre karma, c'est bien important d'identifier vos peurs. Tout le monde n'a pas les mêmes peurs, nécessairement, à dépasser, là, j'entends. Une fois que vous avez identifié vos peurs, essayez pas d'y échapper. Faites-y face. Le premier chat que Gilles a été chercher dans un arbre, il a eu peur de quelque chose, que j'imagine un autre chat ou quelque chose de plus gros que lui. Il a eu peur, il est monté dans l'arbre. Il a tellement eu peur dans l'arbre qu'à cette heure, quand il y a un chat qui l'attaque, même s'il est 3 fois plus gros que lui, il va l'affronter. Puis s'il mange une volée, le lendemain, il y retourne, il est prêt à manger une autre volée, mais il a décidé de mourir plutôt que monter dans l'arbre. Parce que ça revenait au même, tu meurs anyway. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'il est coupé de partout, là. L'oreille arrachée, mordue. J'enlève des galles après la tête à peu près. À toutes les 2 semaines, c'est régulier. Il se bat tout le temps. Mais il est plus heureux en affrontant qu'en fuyant. Fait qu'il liquide son karma. Il est ascendant scorpion, fait qu'il faut qu'il vive le drame. Puis il vit amplement. Il est lion ascendant scorpion, le chat. Fait que lui, il a identifié une peur. Mourir du haut d'un arbre, c'est pas une mort valable. Puis mourir en étant attaqué par un chat 3 fois plus gros que toi, c'est une mort plus honorable. Ça sauve sa réputation de lion. OK? Vous autres, vous avez des peurs qui sont équivalentes à mon chat, excepté que vous n'avez pas identifié l'arbre encore. Mais si vous identifiez la peur, puis que vous l'affrontez, vous allez sentir en très, très, très peu de temps une très vive amélioration de votre qualité de vie. Parce que c'est la peur qui vous donne votre mode de vie. Conséquemment, si vous affrontez votre peur, vous allez changer de vie, ça c'est certain. Vous allez changer de système de valeurs, et puis ça va définitivement permettre à des énergies de circuler dans votre système physique et émotif, vital, puis vous permettre même de guérir des choses. OK? Guérir matériellement des choses. Donc, à retenir que vos peurs, c'est l'acide à batterie que vous avez dans le cadran qui vous amène à des motivations incroyables. Quand vous me parlez d'évolution puis de dépassement, vous me parlez inévitablement de vos peurs. Et quand je vous dis la mort, c'est la fin de vos peurs, vous allez sentir, quand vous affrontez une peur, vous allez sentir qu'il y a tout un pan de votre vie, là. Il y a toute une étape de votre vie qui meurt. Je ne sais pas, personne ne vit dans un milieu, un quartier pauvre. Pour une raison quelconque, il y a des affaires qu'elle fait, vos études, elle prend des cours comme médecin, des affaires de même. Puis là, à un moment donné, sa vie, elle change, puis elle se retrouve dans des quartiers riches. OK? De passer d'un quartier pauvre à un quartier riche, il faut avoir affronté des peurs. Là, vous allez me dire, est-ce que c'est la richesse qui fait qu'on dépasse des peurs? Bon, mettons que tu viens au monde dans un quartier riche. Puis tu as peur d'être pauvre. Tu t'en vas pendant 5 ans de ta vie en Afrique parce que tu as les moyens. Tes parents disent, bon, on va te subventionner pour aller pour une grosse cause de l'ACDI. On va te subventionner. Si tu as des problèmes là-bas, tu nous appelles, on t'envoie de l'argent. Puis papa, papa. La personne va passer 5 ans en Afrique à vivre dans une pauvreté extraordinaire pour dépasser sa peur d'être pauvre. Quand elle va revenir ici, quand elle va rentrer dans une maison riche ou dans un milieu qui est riche, elle n'aura pas le nez trop en l'air. Elle va avoir dépassé une peur. Ce n'est pas toujours riche à pauvre ou pauvre à riche. Là. C'est une condition d'esprit, un état d'esprit qui fait que pour faire mourir une dimension, parce que si tu as 10 peurs, tu vas mourir 10 fois. Tu sais, à chaque peur que tu dépasses, il y a quelque chose que tu laisses en arrière de toi. Bon. Quand est-ce qu'on sait qu'on affronte quelque chose? Pas qu'on le règle, qu'on l'affronte quand on se plaint. Quand on se plaint, OK, moi je me plains souvent que les forces sont sous mon cas à mettre toujours là, dans des G-strings. Puis j'ai pas le physique pour le G-string, tu sais. Mais je trouve qu'ils me mettent ça pas mal serré, là. C'est... Puis ils m'ont dit, tu ne devrais pas te plaindre parce que ces tests-là, c'est des tests que très peu de gens sur la planète sont capables de passer. C'est ça qui fait ta supériorité. Tu comprends-tu? Ma vie, moi, elle est programmée pour vivre, comme ils appellent en business, « just on time ». Tu reçois ton équipement, là, « just on time », juste à temps. Tu as besoin de ça le lundi à 4 heures, ça rentre le lundi à 4 heures moins quart. Tu comprends-tu? Ça, c'est ça qu'on appelle le « just on time ». Fait que, si vous comprenez que quand vous vous plaignez, vous êtes sur le test, vous devriez avoir quelqu'un qui vous surveille quand il vous plaint, puis qui vous dise « t'es testé là-dessus, toi, là? » Puis là, si vous savez que vous êtes testé là-dessus, ça n'améliore pas votre sort pour autant. Mais au moins, vous savez que vous avez le nez dedans, puis que c'est ça que vous avez à régler. Puis que là, déjà, si vous vous organisez pour régler ça, votre vie est en train de changer. Fait que moi, il faut que j'arrive à être content d'être just on time. Ça s'en vient, là. Non, c'est pas évident, là, mais ça s'en vient. Je trouve ça tough, mais ça s'en vient. Je me plains moins. Vous autres, vous êtes habitués d'avoir 40 000 $ dans votre compte pour votre futur. Moi, ils m'ont dit que j'avais autant de ce que je voulais jusqu'à ma mort. Mais j'avais juste à le vouloir. Puis quand je me plains, ça retarde. Vouloir, c'est savoir que tu vas l'avoir. Qu'est-ce qui m'a posé la question? Vouloir, c'est savoir que tu vas l'avoir. Quand tu veux, là, comme moi je comprends que tu veux, là, tu contiens une certitude. Parce que vouloir, c'est pas de l'ego, ça. Là. C'est pas un désir, vouloir. C'est, t'es sûr. Donc, si vous avez des peurs, et que vous affrontez votre peur, que vous organisez, parce que la peur, c'est une quelconque forme de désordre, c'est un système de valeurs, il y a une façon de faire les choses, puis si vous faites de l'ordre dans un aspect de votre vie, OK, en général, je vous dirais pas mal 80% des peurs sont liées au temps. Comme j'expliquais après-midi, là, j'avais un consultant après-midi, j'expliquais aux gens que l'esprit, ça vit dans de l'espace. Mais il n'y a pas de temps dans l'esprit. Le temps, c'est le monde de l'astral. Et ce qu'on appelle le mal, c'est la restriction temporelle qui engendre la mémoire. Donc, quand vous êtes pris dans un mal, vous êtes pris dans une densité temporelle, donc vous vivez du temps et de l'attente. Tu sais, d'ailleurs, quand on dit un prisonnier, là, on y limite son espace et on y fait faire du temps. Ça, c'est la punition du mal. Mais on n'est pas obligé de tuer quelqu'un pour être prisonnier du mal. On a juste à souffrir du temps, puis d'une restriction de notre mobilité, et là, on est pris comme un prisonnier qui est en prison, on est pris par le mal. Donc, on est pris dans un monde astral. Quand on veut libérer un être de l'astral, il faut lui faire vivre de l'espace. Ça dilue le temps, ça augmente sa mobilité, puis vous remarquerez une chose, quand vous êtes dans l'action, donc quand vous êtes en mouvement, vous ne souffrez jamais de temps. OK? Bon. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des peurs qui sont liées à la restriction temporelle. J'ai rarement vu quelqu'un de mobile avoir peur de quelque chose. Les gens qui sont mobiles, là, tu sais, qui ont une capacité de mouvement, il n'y a pas des grosses peurs dans leur vie. Mais quelqu'un qui est restreint dans sa mobilité, un excès de travail, trop d'obligations, trop de responsabilités, une peur du mouvement. Je pense que la pire, c'est la peur du mouvement, d'une façon générale. Ça crée d'énormes peurs qui sont effectivement affrontées. Vous allez me dire, c'est quoi la peur du mouvement? La peur du mouvement, c'est une espèce de sentiment d'impuissance d'avoir une certitude en dehors de la forme. Un oiseau, il a ses ailes pour se supporter dans l'air. Fait qu'il y a une certitude de voler parce qu'il est né avec une capacité de voler. Mais il y a une tempête, l'oiseau va avoir aussi peur que toi au sol. Parce que dans les airs comme à terre, c'est aussi dangereux une tempête. Puis la peur peut les atteindre autant. Mais c'est la capacité de prendre la bonne décision pour être dans le bon espace, dans une situation de crise, pour ne pas se faire limiter dans sa mobilité après la crise. Au point qu'exemple, un oiseau qui a passé dans le goudron et puis pu décoller parce qu'il était dans l'eau pendant qu'il y a une flaque d'huile. Bon, fait que si vous avez peur d'une condition quelconque, c'est parce que vous avez subi une limitation dans votre expérience. Puis souvent, pour se dégager d'une peur, on a besoin, par exemple pour un oiseau, on a besoin de quelqu'un qui enlève l'huile sur le plumage, puis aussi qu'il l'enlève assez vite pour pas qu'il soit intoxiqué, pour lui permettre de retrouver sa mobilité. Un être humain qui est limité dans son pouvoir d'action, c'est un être qui a toujours peur. Vous êtes toujours mieux d'affronter la peur dans le mouvement que dans l'inertie. Toujours mieux d'affronter la peur dans le mouvement que dans l'inertie. T'es mieux de tout faire, même si tu sais que ça aboutira à rien, t'es mieux de tout faire que de rien faire. Si t'es battu d'avance, t'es battu. Si tu n'es pas battu d'avance, tu as des chances. Il n'y a rien de pire que de dire « Ah non, ça ne marchera pas. » Vous êtes mieux d'avoir quatre alternatives de patentes qui peuvent ne pas marcher puis de les essayer toutes que de dire « Ça ne marchera pas. » Parce qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose qui ne marche pas, mais que vous allez l'avoir essayé, vous ne laissez pas de porte d'entrée à la peur. Puis vous ne laissez pas de porte d'entrée à l'inertie. Vous ne laissez pas de porte d'entrée à la fatalité. Puis vous ne laissez pas de porte d'entrée à ce que quelqu'un enrichisse cette peur-là. Parce qu'il va finir par penser que vous êtes tellement courageux que même si vous mourrez, on va laisser un bon souvenir. Bernard, il était malade et souffrant comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Il a eu le mental clair jusqu'à la fin. Il n'a jamais arrêté de faire ses conférences. C'est la plus belle leçon de son instruction. Quand j'ai posé la dernière question de ma vie, j'ai demandé, « Bernard, pourquoi tu as été malade? » Il ne voulait pas répondre, j'ai insisté. Puis là, il a pogné la vibration, comme quoi c'était bien important, cette petite phrase-là. Puis il a dit, « C'est pour faire la preuve que la vibration est plus forte que la forme. » Ça ne voulait pas dire qu'il ne mourrait pas. Ça voulait dire que son mental était plus fort que la forme. Il est mort lucide, puis pas drogué. C'est au bout de ça, là. Mettons, moi, j'ai peur de ne pas être compris. Pas souffrir d'incompréhension, il faut que j'aie des attentes minimum. OK? On identifie la peur. Puis l'ego, lui, qui se mêle toujours de ce qu'il ne regarde pas, il se définit des objectifs. Bon. Dans un premier temps, il faut comprendre que ce n'est pas l'ego qui se mêle de votre vie, c'est l'esprit qui se mêle de votre vie. C'est l'esprit qui va indiquer à l'ego qu'est-ce qui doit être fait. Donc, si vous dites à votre ego, réduis tes objectifs. Moi, j'ai peur de ne pas être compris, mais je peux être compris après ma mort. C'est pas de mes affaires. Il dit, ouais, mais là, ça ne fait pas une belle vie. Moi, mais je ne suis pas nécessairement venu ici pour vivre une belle vie. Je suis peut-être venu ici juste pour faire quelque chose, point. Puis je suis peut-être venu ici juste pour compléter quelque chose qu'un autre a fait, donc Bernard, pour faire comme la preuve pratique de ce qu'il parle. Lui, il avait à sortir les principes. Moi, j'ai à monter le niveau d'application. Point final. J'ai peut-être un livre de recettes à sortir en quelque part. Comment être intelligent? Comment parler avec le contact? Comment? De Madame Benoît. T'sais. Donc, il faut que je réduise mes objectifs. Dans mon cas, c'est 5%. Je me dis 5% de compréhension sur 100% de conversation, c'est suffisant. L'aube-là fait de l'argent avec 1% de profit sur le produit. Je demande 5, je suis plus gourmand, j'avoue. Mettons que je me permets ça. Fait que si je réduis mes objectifs, je donne moins d'emprise à l'ego. Je comprends que vous avez de l'ego, puis je comprends que vous allez en avoir longtemps, puis je comprends que ce n'est pas demain matin que vous allez comprendre, ce n'est pas vous autres qui pensent. Ça, je comprends tout ça. Donc, je vous comprends plus que vous me comprenez. OK? On est d'accord là-dessus. Pourquoi je vous comprends plus? Parce que j'ai passé par ce que vous passez. Je suis juste rendu un petit peu plus loin, mais on va tout arriver à la même place. Vous allez tout comprendre ce que je comprends. C'est une question de temps, donc de vie, s'il faut. Que vous soyez obligé de passer trois vies pour comprendre ce que je comprends, ça n'a pas d'importance, puis c'est pas de mes affaires. Mais si je vous donne l'exemple qu'en réduisant les objectifs d'une peur que vous avez, parce qu'il y a une attente qui est collée à quelque chose, vous réduisez ça, ça donne plus de marge de manœuvre à l'esprit pour prendre contrôle. De votre centre décisionnel. Là, vous allez comprendre quelque chose. C'est que ce n'est pas vous autres qui décidez. Vous êtes un canal à faire les choses. Puis vous allez vous rendre compte que ce qui réussit le mieux, c'est ce que vous décidez le moins. Mais que vous contenez bien. Fait que si vous avez un talent naturel pour faire certaines choses, puis que vous laissez s'exprimer ce talent-là selon le cours des choses, vous allez très bien faire ce que vous avez à faire parce que ça vous a été donné le véhicule pour faire ce que vous aviez à faire. Là, vous dites, comment qu'on trouve ça? Ben, regardez ce que vous faites bien. C'est jamais gros. Ce qu'on fait bien, là, c'est jamais gros. C'est l'environnement qui amplifie ça. Moi, ce que je fais bien, c'est les autres qui vont l'amplifier.